Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel Otaïek. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast, il est encore et toujours soutenu par la NEF, qui est la coopérative bancaire éthique, qui finance exclusivement des projets à impact depuis plus de 30 ans. C'est vraiment la banque des 2030 Glorieuses. Et en ce moment, la NEF, elle a lancé le Big Bank. C'est un mouvement pour créer la première banque éthique indépendante française. Ils sont déjà plus de 47 000 à y croire. Et moi, je vous invite à rejoindre le mouvement Big Bank sur jeparticipeaubigbank.fr. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, je suis heureux de te donner la parole, Emmanuel. Toi, tu es cofondateur du Vert Bordeaux, c'est une agence d'excursion éco-responsable basée à Bordeaux dont la mission est de faire découvrir ou redécouvrir d'ailleurs la Gironde dans toute sa diversité et sa complexité. Ensemble, nous allons parler de tourisme, de loisirs, de limites qu'on se met à se déplacer, à voyager, à découvrir, mais aussi de comment du coup, à l'inverse, reterritorialiser nos rêves et nos aventures. Pour commencer cet échange, Emmanuel, je te pose la question que je pose à toutes les personnes en début d'interview des 2030 Glorieuses. Tu es à un événement, tu vas rencontrer des personnes que tu ne connaissais pas jusqu'alors. Arrive très vite, comme dans toutes les conversations avec des inconnus, la question fatidique du « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu réponds ? Je réponds que je suis guide touristique parce que c'est mon cœur de métier finalement. Même si j'ai créé une entreprise et que d'une certaine façon, je pourrais peut-être répondre « je suis entrepreneur », je ne me considère pas comme entrepreneur. Mon cœur de métier, c'est d'être guide touristique. Donc, c'est d'expliquer à mes clients ce qu'ils voient, leur faire découvrir, faire passer de bons moments, leur faire rencontrer d'autres personnes. Voilà, leur donner des clés de compréhension sur ce qu'ils voient. Donc, je suis guide touristique. Moi, je m'attache, Emmanuel, à faire en sorte qu'on arrive à dépasser un peu ces cases dans lesquelles on s'est nous-mêmes mis ou parfois un peu laissé enfermer. Et là, en l'occurrence, c'est dans ce que tu me décris, finalement, un peu ce jeu de, voilà, du statut ou des compétences parfois qui nous enferment peut-être. Et de dire que tu es guide touristique, ça me semble être un peu limité à la fonction. Moi, j'aimerais bien que tu essayes de redéfinir ton métier en fonction de ses impacts et en fonction de ce à quoi tu veux contribuer. Est-ce que, en étant guide touristique, tu dis que, je sais pas, t'es révélateur de pépites territoriales, que tu participes à des aventures géolocalisées. Comment tu le dirais? Comment tu nommerais, par l'intitulé de ton métier des 2030 Glorieuses, ce que tu fais en réalité au quotidien? Bonne question. Il faudrait peut-être finalement demander ça presque à mes clients, en fait, comment ils ont vécu les expériences avec moi. Sinon, je dirais que j'essaie de donner des clés de compréhension aux gens et de leur donner aussi à comprendre les enjeux de demain sur un territoire, voilà, et sur mon territoire qui est le Bordelais et la Gironde. Donc moi, c'est je sème des graines dans la tête des gens sur certains sujets selon ce que je fais avec eux. Et j'espère qu'elles prendront et j'espère que ça leur donnera envie après d'explorer certains sujets que j'ai pu aborder avec eux. Si j'arrive à faire ça, que ce soit sur des sujets écologiques, que ce soit sur des sujets historiques ou d'autres, si j'arrive à semer ces petites graines dans leur esprit, à leur donner envie d'être curieux, de dépasser, d'aller au-delà de ce que je leur ai donné, eh ben, je pense que j'ai réussi mon travail. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai fait. Moi, ma visite, elle s'arrête pas au moment où j'irai revoir mes clients. J'espère que pour eux, elle va plus loin. Ouais, en fait, Emmanuel, ce que tu me dis, c'est que La visite du lieu, le déplacement, c'est pas une finalité en fait, c'est un prétexte pour créer de la curiosité, pour créer une envie d'agir, une compréhension accrue sur notamment les enjeux écologiques. Donc en fait, ouais, t'es une étincelle de compréhension, de curiosité, de mise en mouvement. C'est un peu ça en fait, là. Une introduction, tout à fait. Alors pour certains, ça. Sur certains sujets, ils partent de zéro. Donc, pour d'autres, il y a plus de débats. Donc, c'est toujours intéressant aussi de discuter avec eux. Surtout que moi, j'ai des clients qui sont internationaux. Donc, ils n'ont pas forcément tous la même approche de l'écologie qu'on peut avoir en France. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut arriver à créer un petit déclic chez les gens. Comment est-ce qu'on le mesure? C'est difficile. Des fois, ça se voit. Des fois, on a l'impression qu'on a un peu prêché dans le vide. Si ça concerne une personne sur 100, ce sera déjà ça. En fait. Je t'avoue que ça fait quelques années que j'anime le podcast 2030 Glorieuse et pour l'instant, j'ai toujours été un peu réticent, un peu frileux même, à l'idée de mettre en avant des personnes qui travaillent dans le milieu du tourisme, que j'ai côtoyé de près et de loin à plusieurs reprises et que j'ai trouvé être quand même en général... très très bien avalé par le système capitaliste, pour dire un peu rapidement, mais je trouve que vraiment on a réussi à faire du tourisme, ce qui est pour moi l'essence de l'interculturalité, de la richesse de la connaissance, de la découverte, du fait de sortir de sa zone de confort, et donc en réalité une activité hyper vertueuse, hyper saine, hyper qui te fait vraiment grandir en humanité. On a réussi à en faire quelque chose qui est tout l'inverse, où on est dans une posture hyper consumériste, on est très spectateur, très demandeur en fait, des petits enfants gâtés qui se baladent d'endroit en endroit derrière leur objectif sans du tout vivre l'expérience du tourisme comme elle doit transformer, comme elle doit défaire et refaire, comme le dirait Nicolas Bouvier. Et du coup, de dire bon, tourisme durable, ça me semble presque maintenant en 2023, je sais pas si c'est irréconciliable, mais ça tient vraiment de du miracle presque. Toi, pourquoi tu as décidé d'arriver à jouer cette partition-là, à réaliser ce tour de force? Ou est-ce que tu le vois comme un tour de force, ou est-ce que finalement tu dis c'est juste faire mon métier en y mettant un peu de verre et puis c'est tout? Bon, alors déjà, effectivement, le tourisme n'a pas forcément une bonne image aujourd'hui, c'est clair. Après, le tourisme, c'est une industrie qui est multifacette. Il faut savoir de quel tourisme on parle. Est-ce qu'on parle d'un tourisme de masse avec des groupes de 50 qui voyagent à l'autre bout du monde pour rester 3 jours? Est-ce qu'on parle d'un tourisme plus local, de Français qui vont visiter une autre région à 200 kilomètres? Est-ce qu'on parle d'un tourisme européen? Donc, le tourisme est une grosse industrie qui a beaucoup de travail à faire, c'est sûr, dans le défi qui est le nôtre de réduire nos gaz à émission à effet de serre, d'avoir plus de sens également. Maintenant, moi, de mon côté, comment je vois mon travail? Si je me suis engagé pour un tourisme durable, en tout cas si j'essaie de m'engager, parce que j'estime que l'engagement c'est toujours quelque chose en mouvement, c'est jamais arrêté. Si c'est arrêté, c'est qu'on n'a plus d'idée ou qu'on est dans le faux, je pense. C'est jamais quelque chose de parfait aussi. Si j'ai décidé de m'engager, c'est parce que moi-même, auparavant, dans ma vie personnelle, je réfléchissais à mon mode de vie. Il se trouve que par mon expérience professionnelle, j'ai été amené à travailler dans l'industrie du cinéma. Je travaillais pour un festival de films qui diffusait des films en rapport avec des thématiques environnementales. Donc forcément, quand on a 25, 26 ans, ça marque. Donc petit à petit, j'ai fait mon cheminement personnel. Et lorsque j'ai décidé de créer cette entreprise avec ma compagne Sarah Marc, bah, naturellement, on s'est dit qu'on allait adopter certaines pratiques à notre entreprise. En prenant dès le départ, en essayant en tout cas dès le départ de prendre les bonnes habitudes. Maintenant, il n'y a pas d'entreprise qui a vraiment d'impact positif. En tout cas, il y en a peu. Je pense que la plupart des entreprises, quand on vend un service ou un bien, on a un impact négatif. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire cet impact négatif, c'est d'essayer d'en être conscient, et c'est d'essayer, quitte à avoir un impact négatif. Quand je dis impact négatif, c'est-à-dire, grosso modo, c'est créer du déplacement, c'est créer de la pollution, etc. Il faut essayer d'être conscient de cet impact et de lui donner du sens. À moins d'acheter un terrain vierge et de planter, de recréer de la biodiversité, on aura quasiment tous un impact négatif. Donc, c'est comme ça. Il faut prendre le, faut prendre le, faut, faut, faut en être conscient. Ça, je pense que en être conscient, ça permet d'être aussi humble et ça permet de mesurer le chemin parcouru et de se lancer des défis. Et pour moi, c'est pas défaitiste de dire ça. Ouais, bah justement, tu dis les choses vraiment parce que justement, tu vois, le tourisme, comme tu le dis, c'est la création de déplacements, la création de nouveaux besoins. Et donc, forcément, ça implique un coût énergétique, mais pas que, un coût d'impact sur la biodiversité, sur les milieux par lesquels on passe, etc., etc. Et du coup, moi, en ce moment, ça résonnait un peu, si tu veux, en creux avec la manière dont je présente les voyages en 2030 Glorieuse que je fais vivre à travers les ateliers 2030 Glorieuse qui sont réalisé de plus en plus fréquemment là un peu auprès de tous les publics en France. Et souvent dans l'introduction je dis aux gens que je vais leur faire vivre le voyage le plus extraordinaire, le plus dépaysant, mais en fait le plus écologique aussi qu'ils vont vivre au moins cette année, parce que bah, c'est d'une certaine manière un voyage de la pensée. Bon, en réalité c'est un peu facile de dire ça parce que les gens se déplacent, et donc pour venir me voir dans l'atelier, bah, même s'ils viennent en transport en commun, ils viennent à moi, et donc il y a quoi qu'il arrive un impact écologique. Mais je me posais la question, tu vois, des nouveaux tourismes, des nouvelles aventures, des nouvelles manières de sortir hors de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, de rencontrer des gens, d'en profiter. Et donc là, toi, tout de suite, de ce que tu dis, c'est cette idée de mouvement, cette idée de perfection à atteindre, mais en fait jamais à rechercher comme une finalité, mais plutôt comme une manière de toujours s'améliorer. Ça me plaît. D'autant que vous, avec Vert Bordeaux, vous l'affichez clairement. C'est dans le nom déjà, Vert, puisque c'est s'écrivait VRT. Mais aussi parce que dans vos engagements, vous êtes tout le temps en train de mettre en avant ce que vous faites, mais ce que vous aimeriez aussi améliorer. Est-ce que tu peux me raconter comment ça vous est venu ? Est-ce que on vous fait pas un peu le reproche de dire mais bon, en fait, dans le tourisme, peut-être que faut nous laisser un peu tranquille aussi avec ces enjeux écologiques et arrêter de le claironner de partout ? Est-ce que au contraire, il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'il y a un engagement clairement affiché et dont vous êtes fier ? Et raconte-moi un peu là les retours que vous avez eus de vos clients des derniers mois, des dernières années. Alors c'est un peu paradoxal, parce que c'est vrai que quand on lit un peu des articles ou des rapports, souvent il y a une grosse partie de la population française qui se dit sensible au tourisme durable, aux entreprises engagées, et qui dit en tout cas lors d'interviews qu'elle va choisir des entreprises engagées. La réalité, c'est que moi, pour l'instant, je peux pas dire que mes clients particuliers, je dis bien mes clients particuliers, m'ont forcément beaucoup choisi sur mes engagements. Alors, peut-être c'est parce que aussi je suis une entreprise jeune, peut-être que je communique pas assez bien sur ça, peut-être aussi à cause de cela. Hein. Par contre, ceux qui sont vraiment sensibles, ce sont les entreprises. Et moi, il se trouve que dans ce que j'offre, des fois je fais des visites avec des entreprises parce qu'elles sont... Elles sont en séminaire, ou même des entreprises de la métropole de Bordeaux. Et là, c'est vraiment des clients qui vont être sensibles au fait que nous, on est engagés. Mais c'est plutôt du business to business. Les particuliers, quand on leur dit après coup, pendant une visite, ils sont ravis. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a critiqué, même si j'ai pu avoir des discussions. Mais pour l'instant, je ressens pas depuis 2 ans qu'on fait des visites et des excursions. Je ressens pas que les gens me choisissent principalement à cause de mes engagements. Mais on va être honnête, les gens, quand ils prennent une excursion, une visite, ils vont regarder est-ce que ça matche avec le planning, quel est le prix, quel est le programme. Bon, est-ce que ça me dérange? Non. Est-ce que c'est pas dérangeant, dans la mesure où moi j'ai pas fait ça, je me suis pas engagé au début en me disant que ça va être un argument marketing fort. Honnêtement, j'ai pas eu cette naïveté. Je l'ai fait parce que j'y croyais et parce que ça correspondait à ce que j'étais. Donc, c'est pas grave si les gens me choisissent pas à cause de ça. S'ils ont quand même fait une bonne visite et qu'ils ont pris un opérateur de tourisme comme moi, qui est engagé, tant mieux. C'est un peu comme si demain, on allait au restaurant et qu'on savait pas que tout ce qu'on mangeait, toute la nourriture était bio, local et sourcé. On l'avait juste choisi parce que le restaurant avait des bonnes notes et des bons prix. Non, mais c'est pas grave, parce qu'on a choisi que sur ça, puisque à la fin, il est quand même engagé. Oh, c'est presque même tant mieux, en fait, quand on y réfléchit, de se dire qu'on arriverait à le normaliser à ce point-là. Bon, pour l'instant, hein, le tourisme durable, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment réussi à normaliser, parce qu'il faut quand même se le dire. Je sais pas si toi, t'as vraiment cette perception-là, sans doute biaisée de ma part, Emmanuel, mais pour moi, le tourisme, c'est un peu, tu vois, le symbole ultime qu'on nous vend, en tout cas, c'est quelque chose qu'on nous vend comme le symbole ultime de liberté, qui nous permet 50 plus semaines par parents de voilà, subir un travail qui nous déplaît en se disant bon bah bientôt je vais partir en vacances et puis voilà, au moins mes 2, 3, 4 semaines de vacances, c'est la liberté, au moins je fais ce que je veux, au moins j'ai vraiment l'impression d'en profiter, et derrière je peux me remettre là dans cette situation de déplaisir au travail, le temps d'économiser et d'avoir à nouveau des vacances. Et c'est un peu ce truc sans fin, quoi, du jour sans fin avec Bill Murray, où on a l'impression que finalement je suis pas sûr qu'on ressorte vraiment gagnant, mais on se pose même plus la question. Et donc vous, en fait, vous êtes même là en train d'une certaine manière de critiquer, ou en tout cas de proposer des alternatives à ce symbole de la liberté là, et d'une certaine manière moi je vois que dans vos démarches c'est presque en fait encore plus libérateur pour toi déjà, parce que c'est des valeurs que tu portais et que tu voulais traduire, mais libérateur pour plein d'autres bonnes raisons, parce qu'on crée des liens d'autant plus forts avec des gens vraiment engagés qu'on va voir, avec des lieux peut-être encore plus beaux. Raconte-moi un peu sur toute l'entreprise, et puis j'allais dire tout le processus d'inscription, de balade et tout ça. À quoi ressemblent vos engagements? Comment ils se caractérisent exactement? Alors, on essaie de... Nos engagements, on les a voulu, si tu veux, de manière interne. Il y a des choses qui sont invisibles pour nos clients, et puis il y a évidemment des choses qui ressortent plus dans nos excursions. Déjà, quand on s'est créé, on a voulu s'inscrire dès le départ avec des statuts de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a voulu inscrire dans nos statuts, les statuts d'une entreprise, c'est un document que n'importe qui peut se procurer, hein, qu'on visait un certain tourisme durable, mais aussi social. Voilà, donc ça, on a commencé le mois dernier, par exemple, à proposer une visite par mois à un public gratuit de Bordeaux, un public défavorisé, pour que même les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent découvrir leur ville. Donc, une fois par mois, j'ai une visite de 2 heures en partenariat avec l'Office du tourisme de Bordeaux et les centres communaux d'action sociale. On a choisi notre banque. Hein, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Il faut savoir aussi à qui on demande de l'argent. Oui, c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai eu votre contact. Hein, c'est la NEF qui nous a mis en lien. Oui. Ouais. Exactement. Donc c'est aujourd'hui, je pense que pour le coup sur les banques, c'est pas très compliqué de savoir quelle banque est plus ou moins vertueuse, hein. Il y a pas mal d'ONG, il y a des classements, lesquels contribuent le plus au financement des énergies fossiles. Nous, on a choisi la NEF. Donc voilà, tu l'as cité, c'est une banque qui pour l'instant est ouverte surtout aux professionnels pour les comptes courants, et qui finance des projets qui ont un impact positif culturel, environnemental ou social. Voilà. Donc c'est eux qui nous ont financés. Donc ça, c'était important, et c'est chez eux qu'on a notre principal compte. Et puis après, on a, comme j'essaie en tout cas de faire dans ma vie tous les jours, j'ai acheté le matériel dont j'avais besoin pour créer mon entreprise de seconde main. Ça m'a semblé être un peu la manière très... c'est très rationnel, parce que acheter de seconde main, ça veut dire faire rimer écologie et économie. Hein. Donc, quand on crée une entreprise, c'est aussi intéressant. Donc, concrètement, tout ce qui était, j'avais besoin d'un ordinateur, j'avais besoin d'un téléphone portable parce que le mien était pourri, j'ai acheté de seconde main. J'avais besoin d'un van pour faire mes mini-excursions, j'ai acheté de seconde main. La question que tout le monde me pose et qu'on m'a posée, je pense, 25 fois, c'est celle qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai créé cette entreprise, c'est: est-ce que votre van est électrique? J'avoue que cette question, elle me fatigue un peu aujourd'hui, parce que souvent, on me la lance un peu sous forme de défi et elle m'agace un petit peu. Parce que on résume pas l'engagement d'une entreprise au fait qu'elle a un véhicule électrique ou pas, déjà. Je pense que ça serait vraiment très, très réducteur. Même si le transport dans le tourisme, c'est le gros point noir, mais ça serait un peu, c'est un peu réducteur. Par ailleurs, les véhicules électriques, faut savoir que les vannes, à l'heure actuelle, ils ont pas beaucoup d'autonomie, pas assez pour ce que je fais moi. C'est genre 130, 150 km sur voie rapide. Moi, j'en fais à peu près, je peux en faire jusqu'à 300 sur une journée, donc ça serait trop limité. Les bornes à Bordeaux et en France, de manière générale, on est encore assez en retard. Le poids carbone d'un véhicule électrique neuf avec la batterie lithium, c'est 2 à 3 fois supérieur à celui d'un véhicule thermique. Donc, c'est pas l'idéal, ce que j'ai. C'est un peu, mais j'ai, voilà. C'était du seconde main. Donc ça, c'est un peu le volet. Voilà. En interne, on essaie vraiment d'être cohérent. Est-ce que j'ai besoin de ce service, de ce bien dans l'activité de mon entreprise? Oui, je l'achète d'occasion, si je peux. Et puis, lors de nos tours, on fait visiter des châteaux viticoles autour de Bordeaux. Un de nos premiers critères, c'est des viticulteurs en bio et en biodynamie, des exploitations familiales. Voilà, il y a des châteaux qui sont détenus par par des gros groupes. Nous, on veut du bio et de la biodynamie. Je trouve ça intéressant, surtout quand on commence à s'intéresser au vin, à Bordeaux, à l'agriculture. Je veux dire, c'est quand même l'agriculture et le vin en France, ça pèse. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agriculture bio? Qu'est-ce que c'est que la viticulture bio? La différence avec la biodynamie. Voilà, c'est expliquer ça aussi aux gens. En plus, il y a un gros Bordeaux bashing en ce moment. Donc, voilà, les vins de Bordeaux ont été assez épinglés sur certaines choses. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais là, ça permet aussi de rencontrer des viticulteurs, des viticultrices aussi. Il y en a pas mal avec qui on travaille, ça c'est intéressant, pour se faire une idée de comment le vignoble évolue, quels sont les défis. Moi, j'aime beaucoup parler de ça avec mes clients, quels sont les défis du vignoble bordelais. Parce que souvent, quand on visite le vignoble, je peux facilement amener les gens dans des très beaux châteaux, on a l'impression que c'est un hôpital. On rentre dans des chais, on a l'impression que personne ne travaille ici. Bon, voilà. Moi, j'aime bien dire à mes clients, leur ramener la réalité. À Bordeaux, il y a beaucoup de viticulteurs qui gagnent 80% pardon, des viticulteurs gagnent moins que le SMIC. Donc, on n'est pas toujours sur du viticulteur en chemise cravate. Hein. Il y a de l'arrachage, il y a des difficultés, il y a des maladies. Pourquoi ils utilisent tel produit chimique? Donc là, c'est vraiment mon rôle de médiation à d'essayer de planter une petite graine. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais ça fait partie de mes engagements. Moi, j'estime que mon discours en tant que guide, ça fait partie de mes engagements. Et je me dois d'ouvrir certaines portes, même si elles sont pas forcément toujours, c'est pas forcément toujours les plus agréables à entendre. Quand je dis aux gens que la plupart des viticulteurs autour d'eux vivent avec moins que le SMIC, le salaire minimum en France, ils s'attendaient pas forcément à ce que je leur dise ça, mais faut le savoir aussi, quoi. Et j'allais terminer en te posant la question, et après, Emmanuel, si tu veux bien, on voyagera en 2030 glorieuse, mais de savoir si vous pouviez financièrement même vous permettre de faire en sorte que dans votre communication, les partenariats que vous étiez en train de créer, eh ben, vous alliez plus essayer d'arriver à avoir des touristes, locaux, de la région peut-être Aquitaine, en fait des Français, tu le disais tout à l'heure, peut-être des Européens, plutôt que d'avoir des touristes du monde entier, ou est-ce que finalement vous dites, bon, bah, le touriste il est là et nous on répond à la demande et tant mieux en fait qu'il passe par nos mains parce que ça peut l'éveiller à ses considérations et qu'en fait il aurait pas entendu parler de ça de cette manière s'il n'était pas venu nous voir nous. Bah, c'est un vrai défi, que c'est une question qui a été souvent posée aux universités du tourisme durable. J'y étais pas l'an dernier, l'année d'avant. C'est comment on fait effectivement quand on est en bout de chaîne comme moi et qu'on a des gens qui arrivent du monde entier, parce que finalement, ils ont pris peut-être l'avion depuis, je sais pas, la Californie, les États-Unis, le Canada, et finalement, j'arrive en bout de chaîne. Donc, alors, évidemment, je peux pas trier les gens, je peux pas leur dire, ah bah, vous venez de trop loin, je vous prends pas. Par contre, ce qu'on essaie vraiment, ça serait compliqué, mais c'est un vrai problème. Pour moi, à mon niveau, j'ai pas non plus des milliards de clients. Hein. Je pense que sur l'année 2023, là, j'ai dû faire 1000 clients. Enfin, voilà, on reste, c'est des groupes de 8 hein, que je fais, donc c'est du petit tourisme. Et j'ai qu'un van, hein. Je suis pas comme certains de mes concurrents ont 15 vannes. Il y a d'autres qui ont des groupes de 50. Enfin, voilà. Donc, je peux pas trier les gens. Par contre, ce qui est certain, c'est que, nous, on essaie de développer aussi notre entreprise locale. Moi, je suis bordelais. Mon entreprise s'appelle Faire Bordeaux. J'adore faire des visites guidées en ville, laisser mon van de côté. Donc, notre particularité par rapport à mes concurrents, c'est qu'on développe aussi ce côté-là. Donc, on a des projets de visite aussi à développer en 2024 pour avoir une assise locale et toucher des Bordelais ou des Girondins, en tout cas. Ça marche. Je trouve ça intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que moi, j'ai envie d'avoir des gens locaux. Et puis, on est tous bien placés pour savoir souvent, sa propre ville, c'est celle qu'on connaît le moins. On va aller voyager à 500 km, on va faire 3 visites guidées, on va visiter 3 musées. Puis, finalement, on n'a jamais fait le musée qui est au coin de l'arbre. Donc, j'adore avoir des locaux. J'adore avoir des locaux. Et puis, bon, il y a quand même un truc qui s'est passé il y a 3 ans qui s'appelle le Covid, qui a un peu coupé tout le tourisme international. Donc, si jamais ça devait arriver, et là, il faut travailler sur sa résilience. Si jamais demain on était de nouveau coupé de la clientèle canadienne, américaine ou anglo-saxonne, il faut pouvoir aussi compter sur sa deuxième jambe. Et moi, de ma deuxième jambe, ça serait mes touristes, mes clients locaux, la population locale qui est très curieuse. Et qui a souvent beaucoup de questions, beaucoup plus de questions que les touristes étrangers qui sont dans la totale découverte, qui partent tellement de zéro sur tout, l'histoire, la viticulture, les engagements, etc., qu'ils ont peu de questions, ils sont en train d'absorber déjà ce qu'on leur dit. Alors que les Français, ils sont très curieux. Et moi, j'aime beaucoup ça. ils connaissent beaucoup de choses sur les Français, en histoire, sur l'environnement, sur la viticulture. Bon, ouais, c'est assez agréable. On t'entend taper. Tu parles avec les mains. J'ai l'impression, Emmanuel, ça rend l'interview vivante et c'est génial. Non, il y a aucun souci. C'est aussi ça. Les podcasts, ça nous permet de rentrer vraiment. Ouais, c'est ça. Ça s'entend. T'en connais ton côté méditerranéen exactement. On va aller bientôt voyager en 2030 glorieuse. Je te sens trépigné. C'est aussi peut-être pour ça que tu tapes des mains là. Avant, entre ces deux parties, il y a toujours une petite bulle d'inspiration. Nos invités, ils viennent avec un cadeau qu'ils nous font, la lecture d'un passage qui leur est cher et qui représente, parce que c'est vrai, on a tout un tas de fenêtres utopistes dans nos bouquins. Ils représentent des valeurs qu'ils aimeraient voir se développer en 2030 glorieuse. Toi, tu es venu avec quoi, Emmanuel ? Alors, je suis venu avec un extrait du plan de transformation de l'économie française qui est sorti juste avant les élections présidentielles de 2022, si je me trompe pas, et qui a été rédigé par The Shift Project. C'est un groupe de chercheurs, le plus connu, je crois que le président, c'est Jean Covici, hein, très connu aujourd'hui. Alors, ça peut paraître un petit peu comme ça, assez austère comme livre, mais c'est un livre qui est... Un petit peu, ouais. Ouais, alors, je sais pas si tu l'as lu, hein, mais c'est alors, du coup, on va moins être dans le rêve. On est assez pragmatique, mais finalement, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc ça peut me correspondre. C'est un livre qui est austère sur le titre, mais qui est très, très bien fait et très facile à lire, qui va par petits chapitres sur certains secteurs, l'industrie, les transports, l'éducation, etc., faire un petit bilan des gaz à effet de serre, de l'impact carbone de ce secteur d'activité, comment on pourrait le modifier pour qu'en 2050, on arrive à la neutralité carbone, et qui finit, et ça c'est là que ça m'intéresse, qui finit par un petit texte en imaginant comment serait le monde après la transformation, une transformation réussie. Et moi, j'ai voulu te lire un passage sur le transport, parce que ça m'a semblé être complètement pertinent par rapport à mon activité, hein, le tourisme, puisque les trois quarts des émissions du tourisme sont liées au transport, et principalement la voiture et l'avion. Et là, j'ai voulu te lire un extrait qui se passe, du coup, d'ici une bonne vingtaine d'années, quand on aura fait énormément d'efforts pour développer le train en France et en Europe, et puis ce dernier kilomètre qui peut être dérangeant, comment on va de la gare jusqu'à son lieu de villégiature. Chasser croisé, c'est dans les gares et c'est facile. Depuis la fin des années 2020, les voyages se font prioritairement en train, solution dont la pertinence a été renforcée par un ensemble de services qui facilitent un voyage porte à porte de la famille ou des professionnels en mission et de leurs bagages. Et tout cela à prix très abordable. Les correspondances sont faciles et l'achat d'un titre de transport combiné se fait sans problème depuis tous les points de vente. En été, les familles ont régulièrement recours à ces offres tout compris pour se déplacer vers leur lieu de vacances, qu'il s'agisse de leur maison secondaire, d'un camping ou d'un village de vacances sur la côte. Une navette vient les chercher à leur domicile pour aller à la gare, elles prennent le train, éventuellement avec quelques connexions, puis à la gare d'arrivée, une petite voiture électrique de location les attend, ou bien une navette les amène dans leur lieu de villégiature. Tout au cours de ce voyage, les bagages sont pris en charge, du domicile jusqu'au coffre de la voiture de location ou jusqu'au lieu de villégiature. Ces offres sont aussi très utilisées par celles et ceux qui vont rendre visite à leur famille pour un week-end, pour les fêtes de fin d'année ou pour toute occasion particulière. Leurs proches viennent généralement les chercher à la gare d'arrivée, sinon les locations de voitures électriques ou de vélos à destination sont facilitées. Le temps qu'on perdait dans les embouteillages est mis à profit dans des trains confortables. La redécouverte de l'Europe en train, c'est trendy. Grâce à l'arrivée des Euro-TGV et des trains de nuit internationaux, on peut également parcourir l'Europe en train à grande vitesse, comme en prenant son temps de jour comme de nuit. Le train de nuit, en version luxe ou standard, a ses adeptes. Il a changé la façon de voyager. L'existence de trains à haute qualité de service qui font rêver contribue à donner une bonne image du voyage en train. On se plaît à raconter à ses collègues son dernier rail trip à travers l'Europe. Dans les entreprises, les salariés qui partent en mission en Europe sont eux aussi incités à prendre le train dans lequel ils peuvent travailler confortablement, sans perdre de temps grâce à une connexion Wi-Fi vraiment fonctionnelle. Enfin, je pense qu'il y a un gros débat aujourd'hui en plus sur le train en France. Hein. Les trains de nuit, la SNCF qui diminue ses connexions entre les villes, et pourtant on a quand même un bon réseau. On avait un réseau qui était plus dense il y a encore 30-40 ans. Et si on veut vraiment décarboner rapidement le transport longue distance, hein, c'est-à-dire plus de 100 km, bah, il va falloir vraiment investir dans le train. Et ça me semble vraiment intéressant parce que, alors, il y a des choses qui se font. Pour donner un exemple, il y a une ligne directe Francfort-Bordeaux qui a ouverte en avril. Et moi, j'ai eu des clients, plusieurs clients allemands, qui avaient pris cette ligne plutôt que de prendre un avion. Mais clairement, c'est encore hallucinant qu'en 2023, alors que l'Union européenne a des décennies d'existence, on ait aussi peu de trains internationaux pour aller pour relier les grandes capitales. Quoi. Moi, ça me fait toujours halluciner. Moi, comment je pourrais m'insérer comment je pourrais insérer un futur comme cela dans mon activité? Bah, finalement, moi, avec mon van, je permets de faire le dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients français ou même des Espagnols qui vont venir en voiture. Si demain, ils avaient la possibilité de venir en train, un train confortable, un train efficace, bah, ils prendraient le train au lieu de la voiture et ils réserveraient avec moi pour faire le dernier kilomètre, c'est-à-dire pour visiter le vignoble. Or, aujourd'hui, ils prennent la voiture, ils arrivent à Bordeaux Centre et ils vont prendre leur voiture pour visiter le vignoble. Voilà. On va se parler de tout ça, Emmanuel, et ta lecture, moi, elle m'a bien plu parce qu'en fait, ça me semblait, c'est vrai, quand on écoute tout ça, d'un côté, assez révolutionnaire parce que comparé à ce qui se passe réellement, on en est encore loin. Et en fait, tout à fait réalisable parce qu'il n'y avait rien de nouveau finalement sous le soleil et ce qui était présenté et normalisé, ça partait pas de choses qu'il fallait encore inventer ou il fallait partir de zéro pour créer un truc qui, pour l'instant, nous semblait absolument inatteignable. Non, en fait, c'est juste des choses qui sont déjà là, qu'il faut juste un peu grossir. Normaliser, optimiser, améliorer. Et d'ailleurs, c'est exactement l'idée qu'il y a avec les 2030 Glorieuses. Et donc, tu nous faisais en fait une transition parfaite vers les 2030 Glorieuses dans lesquelles on est. Ça y est, je ne sais pas si tu as senti au moment où tu nous débriefais ta lecture, cette petite secousse sous ta chaise qui nous fait nous dire que ça y est, on est en 2030 Glorieuses. On a réussi à mettre beaucoup plus d'énergie, à se mettre à la hauteur des enjeux, à transformer avec humilité notre relation au vivant. On n'a pas tout réussi. Ici, on a encore beaucoup de travail, mais on sent qu'on va dans le bon sens. Et donc là, nous, Emmanuel, si tu le veux bien, on va essayer de parler au présent depuis les 2030 Glorieuses pour faire en sorte que les personnes qui nous écoutent, elles se disent wow, « Waouh, en fait, ça a l'air trop bien et ça me donne trop envie de m'y mettre dans mon passé à l'époque. » Peut-être que tu t'en rappelles, en 2023, on parle de la situation du tourisme et donc cette base de ce qui était sorti à l'époque, hein, le plan de transformation de l'économie française qui paraissait un peu austère, c'est complètement normalisé. Est-ce que tu peux développer un peu sur comment on part en vacances en 2030 Glorieuses, s'il te plaît? Comment on part en vacances? On part moins longtemps, mais peut-être plus souvent. Hein, tu l'as cité tout à l'heure, tu parlais de ce rythme qu'on a où on travaille beaucoup, on travaillait beaucoup en 2023 pour cette petite fenêtre de 3 semaines où on pouvait se... respirer, reprendre des forces avant de remettre la tête dans le guidon et repartir pour 45 semaines de travail. Bah, peut-être que ça a été une bonne chose de changer, de partir un peu plus régulièrement, s'offrir des respirations et partir moins loin, tout en profitant de tout ce que la France et les pays limitrophes ont à offrir. Et comment on part? On a la chance, puisque depuis 10 ans, les connexions dans la campagne de train se sont multipliées. En plus, il y a les tarifs très, très accessibles pour tout le monde aujourd'hui. Donc, où qu'on habite, que si on habite dans une grande métropole, Bordeaux, Paris, Lyon, ou qu'on habite à la campagne, on peut facilement prendre un train, rejoindre une gare plus grande et voyager pour visiter une autre région française ou un pays, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Portugal. On a quand même en plus cette chance en France d'être un peu au milieu de l'Europe de l'Ouest, donc d'avoir accès à quand même pas mal de pays autour de nous. On voyage en train, et puis quand on veut visiter la campagne, eh ben on fait appel à un opérateur sur place, ou alors on fait du covoiturage, hein, ce qui revient un petit peu au même, hein, puisque souvent les excursions finalement c'est qu'un gros covoiturage, c'est juste qu'on conduit pas, c'est quelqu'un d'autre qui conduit, et on passe comme ça, ce qui fait qu'on est beaucoup plus tranquille, le voyage devient moins stressant, pas de conduite, plus économique. Et on peut vraiment profiter des services à bord du train. Voilà. Moi, le train, je suis complètement fan et je suis content que dans ces années, cette décennie 2030, il ait explosé en France. Mais t'imagines, en plus, tu sais, à l'époque, on parlait vraiment des vacances comme, bah voilà, cette nécessité d'avoir du confort, de bien dormir, de bien manger. Et en fait, d'une certaine manière, on avait tout faux parce qu'on importait partout dans le monde la vie à l'occidental, soi-disant sous couvert de confort, de praticité. Alors qu'en réalité, ça nous aseptisait toute notre expérience de voyage. On allait glaner comme ça, chaparder presque même des photos qui étaient semblables à des milliers d'autres personnes qui avaient pris exactement la même photo, alors qu'en 2030 Glorieuse, aujourd'hui, quand on part en vacances, on va chercher une expérience, on va chercher un apprentissage, on va chercher une rencontre, on va chercher une sensation. Et donc, en fait, je dis pas qu'on a arrêté de prendre des photos en 2030 Glorieuse, je dis pas qu'on a arrêté d'acheter des trucs quand on part en voyage en 2030 Glorieuse, mais en fait, on essaie de ramener vraiment les choses spécifiques du terroir, on essaie de ramener une anecdote historique, on essaie de ramener un portrait d'une personne qui nous a particulièrement touché, avec laquelle on a vécu un moment fort. Et comme tu le dis, bah ça, en fait, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pendant 3 semaines, il n'y a pas besoin de jouer le jeu d'être excusez-moi pour l'expression, mais le cul sur une chaise longue pendant des heures et des heures, et puis point barre. Du coup, les vacances maintenant, c'est presque même plus comparable quand on se les raconte, tellement on sait que quoi qu'il arrive, on va vivre quelque chose d'unique, en fait. Tout à fait. Et puis surtout, on a retrouvé cette capacité de s'émerveiller de choses qui sont plus simples. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de visiter des gros sites pour prendre du plaisir. Ouais, et c'est marrant d'ailleurs, en 2030 Glorieuse, il y a vraiment exactement comme tu le racontes, deux choses là qui sont vraiment à l'opposé, qui sont en train de se développer. Alors il y a la micro-micro-aventure. Je me permets au passage de saluer Delphine qui nous écoute peut-être et qui, elle, a développé ce concept lors d'un atelier de 2030 Glorieuse qu'on avait fait. Elle parlait de la micro-micro-aventure comme étant une aventure, un voyage qu'on vivait à 30 cm de chez nous. Il suffisait de sortir de chez nous, sortir une règle et de voir ce qui se passait à 30 cm. Alors idéalement, bah, si on est en nature, c'est bien plus facile, mais d'observer presque à la loupe ou au microscope ce qui se passait à côté, les fourmis et puis les écosystèmes, et de se rendre compte qu'on pouvait passer des heures à contempler ce qu'il y a juste à côté de chez nous et qu'on regarde jamais. Et à l'inverse, aujourd'hui, en 2030 Glorieuse, on voit aussi de plus en plus de personnes qui prennent 1 an, 2 ans pour aller voyager sur le temps long. Mais c'est pas que des voyages de tourisme, c'est des voyages de solidarité, des voyages d'apprentissage. Il y a un peu de woofing par-ci, il y a un peu de congé solidaire par-là, il y a de l'éducation dans d'autres écoles, en fait, un peu partout dans différents pays. On fait ça avec les enfants, on fait ça un peu avec les chevaux, un peu avec les bateaux, parce qu'il y a des flottes de voiliers qui traversent les Caraïbes, par exemple, hyper régulièrement. Donc c'est devenu vraiment des aventures à la fin desquelles on a presque envie d'en faire des expositions, des bouquins, tellement ça transforme les personne. Hein. Non, mais c'est certain que c'est pour ça qu'on voyage, et je pense que c'est à ça que sert le tourisme. Tu l'as dit au début, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, quel que soit le voyage qu'on fait, qu'on le fasse très proche de chez soi, dans sa ville, dans sa rue, ou qu'on aille à l'autre bout du monde. On y va pour s'émerveiller, on y va pour apprendre, et il faut que ça nous enrichisse, nous. Mais pour ça, il faut aussi faire un travail sur soi, sur qu'est-ce qui m'intéresse. Et il faut aussi savoir des fois repousser ses limites, c'est-à-dire repousser sa timidité, savoir aussi, entre guillemets, se mettre en danger, parce que c'est vrai que quand on dit aux gens, vous allez passer, une de vos trois semaines de vacances à travailler dans une ferme, bon, bah, j'y comprends que ça puisse ne pas attirer. Mais il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut en retirer. Un contact qu'on n'aurait sûrement pas sur un voyage plus classique. Et c'est ça. Et finalement, ce que nous donne le tourisme, ce que nous donne le voyage, ces expériences, comment elles nous enrichissent, bah c'est ça qui permet que ça reste encore tolérable de voyager. Parce qu'on le disait, c'est que ça reste quand même bah, si on va à l'autre bout du monde, même si on fait du woofing, on est quand même obligé de prendre l'avion. Mais finalement, est-ce que c'est pas dans ce sens-là, est-ce que c'est pas un justificatif qui peut être assez noble pour être convaincant, pour être posé sur la table. L'apprentissage, le partage, en fait, comme condition de... Ouais. L'apprentissage, le partage, une façon de... Oui, de, alors, de, genre, ça serait peut-être un petit peu cucu de dire ça, mais une façon de s'ouvrir un petit peu au monde et de se découvrir. Enfin, moi, j'ai fait pendant un an du woofing avec ma compagne en Argentine. Bon, ben, on se met en danger quand on fait des choses comme ça. En danger entre guillemets, je veux dire, mais on sort de sa zone de confort. On sort de sa zone de confort. Et le voyage, à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Mais ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Mais c'est ça, enfin, moi, c'est ça que j'aime quand je voyage, quoi. C'est ça que j'essaie de chercher. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Non, je pense pas. Mais c'est ça que je cherche, moi. Et j'essaye à ma petite échelle, d'y contribuer dans mon activité professionnelle. Et le métier de guide touristique, il s'est aussi largement vu remanié. Hein. Aujourd'hui, on fait vraiment vivre des expériences. Et donc, le guide touristique duplicable à l'infini qui ressort exactement la même définition, la même présentation, copier-coller d'un guide touristique mondialisé, ça existe quasiment plus. Aujourd'hui, un guide, il est passionné et passionnant, et donc il intervient aussi sur ses sujets de prédilection. Et donc on a des guides qui, eux, sont férus d'histoire, on en a qui sont passionnés de mode, il y en a qui nous font des visites cinématographiques de ville, d'autres gastronomiques, et donc on a tout un tas de portes d'entrée qui font qu'en fait on peut visiter 10 fois la même ville, presque 10 fois le même quartier, et à chaque fois y découvrir quelque chose de différent. Ouais, tout à fait. Et puis sous le métier de guide, surtout en France, où c'est un métier quand même assez présent, même si c'est un métier aussi en danger, mais il évolue et on a tendance, en tout cas à Bordeaux, à faire visiter de plus en plus, à mettre en valeur certains quartiers, certains bâtiments qui n'ont longtemps pas été considérés comme nobles, comme étant d'une valeur suffisante pour valoir le coup d'un arrêt lors d'une visite guidée. Et ça, c'est intéressant parce que ça oblige les guides à se former, à bien connaître leur ville, à aussi avoir un discours qui est différent. On parle pas d'un quartier ouvrier comme on parle d'un quartier du cœur historique d'une ville qui est souvent les quartiers les plus riches. Et puis ça permet justement d'attirer des locaux, en fait, parce que les locaux vont parfois être attirés plus par leur quartier, là où ils vivent, qui est pas forcément le quartier touristique de leur ville, mais ils vont être attirés parce qu'ils ont envie de connaître cette petite histoire, entre guillemets. Ouais, et puis t'as raison, hein, tu dis les locaux, l'habitant du territoire, aujourd'hui, on lui propose le tourisme aussi comme manière de regarder différemment l'endroit où il habite, et en plus, en général, collectivement, pour aussi découvrir d'autres personnes sur son territoire. Et donc, on fait faire des visites dans les écoles, on fait faire des visites dans les associations, on fait faire des visites avec les personnes les plus vulnérables, avec des personnes en situation de handicap, parfois même avec certains prisonniers. En fait, on se sert aussi du tourisme comme une manière de réconcilier, une manière d'apaiser, une manière de nouer des liens. Oui, et c'est ça, de créer du lien et d'apprendre à connaître aussi ce qui se passe à l'angle de la rue, tout à fait. Mais après, tout n'est pas noir et blanc, évidemment, qu'il faut aussi, quand on habite une ville, un endroit, et c'est important de connaître le cœur historique et les principaux monuments, ce que les visiteurs, les étrangers vont visiter. Mais quand on a aussi la chance, quand on habite une ville, d'avoir du temps, et on peut dépasser cela et aller sur des expériences, effectivement, des visites un peu plus alternatives, entre guillemets, pour faire de la rencontre. Et ça permet souvent de découvrir des choses, des initiatives, associations, je sais pas, restaurants engagés, etc., dont on n'avait pas connaissance alors qu'ils étaient à deux rues. Donc ça permet aussi tout simplement une meilleure compréhension des offres et services existants. Ça, c'est intéressant aussi, hein. Le tourisme peut jouer sur ça. À quoi ressemble Emmanuel vers Bordeaux en 2030 Glorieuse? Vous avez créé tout un tas de, j'allais dire des filiales, mais en tout cas des mouvements cousins ou frères, un vers Paris, un vers Lille, un vers où vous avez fait un label peut-être pour accélérer le déploiement du tourisme ultra-local et engagé, une école peut-être où vous intervenez, je sais pas, directement au sein des filiales des filières de formation pour les guides touristiques. Comment tu vois les évolutions possibles? Alors en 2030, on est toujours une petite équipe, mais on est plus que deux. Il y a Sarah, il y a moi, mais il y a aussi trois autres personnes, donc on est une petite équipe de cinq. On est tous associés, on prend tous les décisions à la majorité, donc il n'y a pas de gérant, pas de hiérarchie, et on continue à faire à la fois des visites pour des visiteurs étrangers, européens ou internationaux, et également à avoir un ancrage local très fort en proposant des visites thématiques sur l'environnement, à des visites sociales à des publics qui sont éloignés de ce genre d'expérience. Et on fait, à travers nos engagements, qu'on cherche perpétuellement à améliorer depuis notre création, depuis une dizaine d'années, à travers nos engagements, on intervient dans des écoles, des BTS de tourisme ou autres, pour faire part de notre expérience, donner nos conseils, faire part de nos doutes. Je pense qu'il faut, encore une fois, toujours rester humble. Il y a toujours beaucoup de doutes quand on s'engage. On est toujours très fragile. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il ne faut pas avoir peur aussi de mettre en avant ses engagements et d'en parler, puisque c'est aussi comme ça qu'on se fait critiquer, mais qu'on peut s'améliorer. Donc, vers Bordeaux n'est pas arrivé. Vers Bordeaux est toujours en chemin. Mais vers Bordeaux a grandi et est un peu plus sûr de ses forces et est vraiment un modèle possible dans ce qui est un tourisme plus vertueux. Au-delà de Vers Bordeaux, toi, tu fais quoi en 2030 Glorieuse, Emmanuel? Ben, en 2030 Glorieuse, tu veux dire dans ma vie privée ou... Ouais, je sais pas, peut-être dans ta vie privée, dans ta vie associative, d'engagé, t'as peut-être repris les bancs de la fac, peut-être que t'as deux autres activités professionnelles, j'en sais rien, on fait ce qu'on veut. J'aimerais beaucoup me dégager du temps effectivement pour avoir une vie associative à côté. Et comme je suis curieux, en 2030, je continue sûrement à apprendre et à me former, comme je l'ai fait au début de Vers Bordeaux, sur tout un tas de sujets. Ça marche par vagues. Des fois c'est le vin, des fois c'est d'autres choses. J'interviens bénévolement sur des ateliers avec des lycéens, comme je l'ai fait au début. Et puis, sinon, je vis ma vie de bordelais local et je m'en porte très bien. Une vie simple, sobre et de qualité, c'est ce dont je rêvais il y a une dizaine d'années quand j'ai créé mon entreprise c'est ce que j'ai réussi à avoir en 2030. Ouais, je suis content de te donner la parole. Emmanuel, parce que sur ces questions de tourisme, on peut s'imaginer à toucher du doigt des imaginaires mondialisés, débridés, vraiment des choses, comment dire, hyper étendues, hyper vastes. Et toi, j'ai l'impression que là, avec ton exemple, tu nous racontes comment on peut aussi faire de cette aventure une occasion de se relier à son territoire, de réactiver sa curiosité et de reterritorialiser nos rêves. Et je pense qu'avec les 2030 Glorieuses, moi, j'essaie vraiment en tout cas de contribuer à ça, au fait qu'on ait envie de mieux appartenir à son territoire et à travers le métier on fabrique, on fait, on se lie et je pense que ça y participe et ton témoignage par rapport à ça avec toute l'humilité qu'il y a dans tes propos il correspond à ça, donc merci. Là si jamais on revenait en douceur en 2023, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire de toute manière, et que tu devais conseiller un mouvement supplémentaire aux personnes qui nous écoutent et de leur dire bah voilà, regardez, les 2030 Glorieuses dont on a parlé, elles vous ont enthousiasmé, elles vous ont donné envie, ben continuez avec ça, saisissez vous de ça, mettez-vous en action avec ça, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Il y aurait beaucoup de choses à recommander et je me sens toujours mal dans la position du prescripteur. Je dirais bêtement, prenez plus le train, prenez plus les transports en commun, voilà, évitons l'avion et la voiture. C'est très pragmatique encore une fois, mais c'est sont nos gestes quotidiens qui impactent et ça j'y crois beaucoup. On est Ouais, on est acteur du changement en choisissant ce qu'on consomme. Service et bien. Donc, choisissez bien. Il n'y a pas de. Personne n'est parfait. On fait toujours des choix, des fois par défaut. C'est pas grave. Mais, voilà. Prenez les transports en commun. Prenez le train pour voyager. Et réfléchissez à ce qui vous fait vraiment plaisir quand vous voyagez et quand vous visitez ailleurs, ou même quand vous visitez votre propre métropole. Travailler, c'est un travail sur soi aussi à faire. Merci Emmanuel. Merci à toi Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!